Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 14 juillet 2017. Voici les grands titres de ce journal. Les différentes rencontres avec le Conseil des droits de l'homme, la session parlementaire des pays ACP Union européenne et le sommet des chefs d'État des pays de l'Union africaine traduisent la volonté de la communauté internationale de maintenir le dialogue avec le Burundi, selon le porte-parole du gouvernement. Vous entendrez Philippe Enzo Bonariba qui rejette néanmoins le contenu de certains rapports qu'ils disent biaisés. La commission Vérité et Réconciliation compte continuer le recueil des témoignages en élargissant ce travail, non pas au niveau des collines, mais plutôt au niveau des zones. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver des agents qualifiés sur les collines. Et le président de la CVR explique que ce travail a connu des limites justement sur les collines en ce qui concerne les agents de niveau avancé. Des mesures allant jusqu'à la suppression de la plage de pêche de Nyagatanga en commune Nyanzalak seront prises. C'est le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire à Nyanzalak dans la province de Makamba qui l'a dit hier. Il accuse les usagers de cette plage de travailler hors la loi. Voilà pour le sommaire de ce journal que nous terminerons par l'actualité internationale en évoquant la fête nationale en France. Et le président américain se trouve aux côtés d'Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour le défilé militaire. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Le gouvernement burundais salue les résultats d'une série d'activités concernant le Burundi qui ont été réalisées sur le plan international au courant du mois de juin et le début du mois de juillet. Le porte-parole de cette institution indique que les différentes rencontres, dont le Conseil des droits de l'homme, la session parlementaire des pays ACP et UE, Union européenne donc, et le sommet des chefs d'État des pays de l'Union africaine, ont permis de conclure qu'il y a une évolution de la situation politique au Burundi. Au cours d'une conférence de presse, Philippe Nzobonariba a estimé que cela traduit la volonté de la communauté internationale de maintenir le dialogue avec le Burundi. On l'écoute. Pour le gouvernement, le sentiment sur ces assises et que de toutes ces réunions, les conclusions ont été satisfaisantes à plusieurs égards, parce que dans l'ensemble, le constat est qu'il y a eu une nette évolution de la situation, tant politique que sécuritaire, raison pour laquelle toutes les résolutions injustes proposées, particulièrement par l'Union européenne, sous la houlette du Royaume de Belgique contre le Burundi, ont été systématiquement rejetées. Nous prenons pour exemple le parlementaire européen Louis Michel, de faire adopter pendant la session des parlementaires des pays ACP Union européenne à l'île de Malte une résolution très injuste sur le Burundi qui revient sur une vieille proposition de l'envoi d'une force étrangère au Burundi, la Maprobo, proposition déjà rejetée par le sommet des chefs d'État africains. Ce qui est une façon de la part du Parlement européen de manifester peu de respect qu'il porte aux décisions prises par ses chefs d'État. Heureusement, la résolution a été unanimement rejetée par les parlementaires des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, emboîtant ainsi le pas au peuple burundais qui avait rejeté le projet depuis son annonce. Pour se consoler, la Belgique a fait adopter le projet de résolution à domicile. Concernant les conclusions de la 35e session du Conseil des droits de l'homme de Genève, le gouvernement du Burundi s'est suffisamment exprimé sur l'aspect erroné des rapports précédents, dont celui présenté dernièrement ne constitue qu'un nouveau tirage des éditions antérieures. Il serait inutile de consacrer du temps sur le rapport de la FIDH, étant donné que, comme tous les autres commissionnaires de son bailleur, qui est l'Union européenne, ces orientations contre le Burundi ne datent pas de ce mois de juillet. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement qui se dit comprendre les indignations du porte-parole de la police, indiquant que certains des auteurs de forfaits arrêtés et remis à la justice burundaise ne passent que le temps de l'arroser dans des maisons de détention. Au cours d'un point de presse qu'il a animé ce vendredi, Philippe Nzobonariba a indiqué que le gouvernement est satisfait des prestations de ces deux corps, à savoir la justice et la police. Il ajoute cependant que ce qui libère certains auteurs de divers forfaits avant que leur peine ne soit purgée sont à punir sévèrement. Ici, si vous permettez, je reviens aux recommandations qui ont été formulées lors de la retraite gouvernementale du mois d'avril à Bukira Sazi à Gitega. Exactement sur le ministère de la Justice, il y a une recommandation ferme. Sanctionner sévèrement les magistrats corrompus, notamment ceux qui collaborent avec les escrocs et les autres criminels. Et je pense que la question que vous posez va dans le sens. Vous comprenez donc que le gouvernement n'a pas attendu la lamentation du porte-parole de police pour agir, mais pour que son action puisse avoir des effets, des fois ça prend un peu de temps. Mais l'action du gouvernement pour sanctionner surtout les magistrats, il a déjà commencé depuis longtemps. Et on ne va pas blâmer non plus la justice dans sa globalité, que la justice ne travaille pas convenablement. Bien au contraire, depuis que le gouvernement a donné ses instructions, il y a eu beaucoup d'actions dynamiques dans le sens de décourager les magistrats corrompus. Il y a eu beaucoup de descentes de la ministre de la Justice sur le terrain, partout dans toutes les régions et les juridictions, et des mesures de dissuasion étaient systématiquement prises, particulièrement envers les magistrats qui gardaient dans leur tiroir des jugements déjà rendus pour se faire soudoyer, pour se faire payer des pourboires avant de pouvoir agir. C'est ainsi que beaucoup de cas, beaucoup d'affaires ont été vidées. Et c'est pour cette raison qu'en faisant le bilan, son Excellence le Président de la République a fait un constat qu'il y avait une nette amélioration, ce qui a valu que le ministère de la Justice, à travers la ministre, soit primé. Philippe Nzobonariwa, c'est le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Ses propos ont été recueillis par Joseph Nsabiyabandi. C'était en conférence de presse. La commission Vérité et Réconciliation compte continuer le recueil des témoignages en élargissant son travail, non pas au niveau des collines, mais plutôt au niveau des zones, par des agents dont le nombre varie suivant le nombre des collines. Le président de cette commission explique que son travail a connu des limites sur les collines, surtout en ce qui concerne les agents de niveau avancé, ainsi que la représentativité de toutes les composantes ethniques. Monseigneur Jean-Louis Nahimana précise que son travail va se poursuivre dans trois provinces, déplorant dans le même temps le problème des moyens financiers qui persistent. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Nous avons décidé de recruter deux personnes par colline pour qu'ils nous aident à investiguer, d'identifier les personnes disparues, les personnes assassinées pendant les périodes sombres où le Burundi a connu des violations massives des droits de l'homme. Et on nous demande aussi d'identifier des fosses communes. Nous venons alors de clôturer dans la province d'Ngozi et maintenant nous avons entamé le même travail en trois provinces, à savoir la province de Mwaro, la province de Muramvya et celle de Karusi. Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en province Ngozi et quelle méthodologie vous allez adopter dans ces trois autres provinces? Au départ, nous aurions souhaité avoir des agents qui ont terminé les humanités. En procédant colline par colline, nous avons trouvé que sur certaines collines, c'était difficile de trouver des personnes qui ont un niveau relativement élevé. Ça, c'est le premier écueil que nous avons vu en procédant par colline. Le deuxième écueil que nous avons rencontré, c'est que dans certaines collines, c'était difficile de trouver des personnes issues des différentes ethnies qui composent la population burundaise. Donc ça aussi, ça a été un grand défi que nous comptons corriger plutôt en ramenant le champ d'investigation au niveau des zones. Combien d'agents seront recrutés dans ce travail? Les zones n'ont pas la même taille. Pour les zones qui ont moins de 7 collines, nous avons décidé de recruter 3 agents. Pour les zones qui ont des collines qui dépassent le nombre de 7 et plus, là nous allons prendre 5 agents. La raison qui nous a poussé justement de réajuster notre organisation, c'est tout simplement pour essayer d'élever la qualité du travail que nous sommes en train de mener sur le terrain. Quelle a été la contrainte de faire recours à ces agents si du moins la commission a d'autres moyens pour le faire? On ne le dira jamais assez. La commission n'a pas suffisamment de moyens. L'idéal était que, bien sûr, nous travaillions avec les démembrements de la commission. Ça faciliterait beaucoup la tâche au commissaire. C'est un défi qui est là, qui n'est pas des moindres, mais les moyens ne sont pas là. Monseigneur Jean-Louis Nahimana, c'est le président de la commission Vérité et Réconciliation au micro d'Alain Désiré Boukayeneza. Il est 13h03 à Bujumbura. Une courte pause, nous ouvrons la rubrique des nouvelles de nos correspondants. Nous reviendrons bien sûr en mairie de Bujumbura pour parler des conditions difficiles dans lesquelles travaillent les commerçants, surtout ceux qui vendent les fruits et légumes qui occupaient l'ancien marché de Le Grignot au centre-ville de Bujumbura, maintenant qui occupe une partie du marché de Côté-Bou. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Tous les chemins menant vers la forêt naturelle de la Kibira, de même que les va-et-vient dans la réserve naturelle de la Rukoko, sont désormais interdits. Les administratifs des communes Mossigati et Gihanga en province de Bubanza qui ont pris ces mesures indiquent que c'est dans le but de prévenir les feux de brousse qui se déclarent souvent pendant la saison sèche. Ils se réjouissent par ailleurs que suite à ces décisions, la situation s'est nettement améliorée dans la lutte contre ces feux de brousse par rapport aux années antérieures. Les précisions d'Ospes Caritas Kawanyana depuis Bubanza. Quatre personnes qui s'étaient rendues dans la réserve naturelle de la Rukoko à la 9e et 30e salle pour chercher du fourrage de bétail ont été attrapées par les militaires basés dans cette réserve et conduites mano militari au cachot de police judiciaire à Gihanga. Les autorités administratives indiquent qu'il est interdit à toute personne d'exercer n'importe quelle activité dans cette forêt et c'est dans le cadre de protéger, surtout éviter les feux de brousse régulièrement enregistrés à chaque saison sèche. Malgré cette mesure, cette réserve a été brûlée entre la 9e et la 10e transversale à deux reprises dans un délai d'un mois seulement. Les auteurs n'ont pas été identifiés. De l'autre côté, à la lisière de la forêt naturelle de la Kibira, toutes les entrées dans cette forêt sont fermées, sauf quelques passages qui déboutent en province de Kayanza. Et ce sont des passages très contrôlés et très surveillés, selon l'administrateur de la commune Mossigati. Jean Bosco Douimana précise que les feux de brousse qui ont surgi dans cette forêt l'année passée ont emporté beaucoup de choses et ces mesures prises actuellement, c'est pour éviter d'autres ravages comme ça a été le cas l'année passée. Cette autorité communale ajoute que cette mesure a été bien respectée et que les autorités administratives accompagnées des forces de l'ordre y effectuent une descente de contrôle deux fois par mois. C'est Caritas Kawanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spescaritas Kawanyana. On reste à Bubanza pour dire que les habitants de la colline Gatouré en commune et province de Bubanza s'inquiètent d'une maladie qui attaque les yeux et qui y sévit depuis bientôt deux semaines. 23 personnes l'ont déjà attrapé, mais ceux qui se sont rendus dans différentes structures de soins ont pu guérir, même si la maladie continue à se propager selon les administratifs à la base. Les responsables sanitaires disent qu'ils sont en train de faire des analyses pour déterminer les causes de cette maladie. Cap maintenant sur Ngozi. Des fabricants de briques dans différents coins de la commune et province Ngozi se lamentent suite à une mesure leur interdisant la fabrication des briques en argile sans avoir payé une somme de 2 millions de francs burundais. Ils sont aujourd'hui dans le chômage car, disent-ils, étant incapables de payer cette somme qu'ils disent exorbitante. Correspondance d'Apollinaire Monzagara. Des années antérieures, une foule nombreuse de personnes étaient massées dans différents marais bordant le chef-lieu de la province Ngozi en train d'extraire de l'argile pour la fabrication des briques pendant l'été. Parmi ces personnes, des élèves vacanciers qui cherchaient de l'argent pour acheter le matériel scolaire pour la prochaine rentrée scolaire. Pour cette saison estivale, aucun nouveau four de briques en fabrication ne se trouve dans ces marais. Une somme de 2 200 000 francs vous est exigée à toute personne ou coopérative désirant faire ce travail. En dépit de cette somme jugée colossale par ces populations, ces petits fabricants de briques déplorent aussi le long circuit fait dans pas mal de services pour obtenir de nombreux documents exigés. Conséquence de l'arrêt de cette activité, la hausse d'une brique cuite passant de 20 francs à 35 francs pour l'unité. Des camions ben transportant les matériaux de construction ne le font que la nuit afin d'éviter différentes taxes. Les tenants de ce chantier en construction disent avoir du pain sur la planche à les acheter. Ces petits briquetiers demandent au ministère de l'Énergie et Mines de revoir cette mesure afin qu'ils puissent continuer à nourrir leur famille. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Toujours dans le nord du pays, 4 personnes ont été blessées la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque à la grenade chez un certain Vitariho. C'est sur la colline Ruhehe de la commune Bugabila en province Kirundo. Le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye, confirme l'information et précise que 5 présumés auteurs de l'attaque ont été arrêtés pour enquête. Et des mesures allant jusqu'à la suppression de la plage de pêche de Nyagatanga en commune Nyanzalak seront prises. La déclaration a été faite par le directeur général de l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire à Nyanzalak. C'est dans la province de Makamba, c'était hier jeudi. Il accuse les usagers de cette plage de travailler hors la loi et certains des pêcheurs de la place demandent de ne pas globaliser. Je vous l'avais dit, les anciens occupants du grenier du Burundi n'ont pas encore eu des stands à l'intérieur du marché côté bout. Ils disent que leur santé est menacée, d'autant plus qu'ils passent toute la journée sous le soleil accablant. Ils demandent que la place qu'ils occupent aujourd'hui soit au moins protégée. Je suis ici pour vendre. On nous a chassés de l'ancien marché, le grenier du Burundi, au centre-ville. Comme vous nous trouvez ici, nous sommes menacés par le soleil. Nous ne recevons presque rien. Nous n'avons pas de clients. Celui qui a commencé avec un capital de 100 000 francs burundais, il ne lui reste même pas 10 000 francs suite à la pauvreté. Je suis vendeur de mandarines ici. La question est qu'il n'y a pas de clôture. Nous n'avons pas de parking d'obus pour charger nos marchandises et se déplacer. Le seul problème que nous avons, c'est de ne pas trouver un bon endroit pour mieux se fixer en sécurité. Car on ne peut pas laisser quelque chose ici. Il y a beaucoup de voleurs. Nous avons peur quand les voitures passent, car il y a beaucoup de trous ici. Rien ne va vraiment. Nous sommes dans la rue. Nous n'avons pas de clients. Nous avons décidé de venir ici. Vous voyez, ce sont des places se trouvant presque dans la route. On nous a dit de venir ici au marché de Kotebu. Nous n'avons pas accès à l'intérieur de ce marché. Les places appartiennent à d'autres. Contacté à ce sujet, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, a fait savoir que des travaux de réaménagement sont en cours à l'intérieur du marché du Kotebu pour la construction d'un hangar qui hébergera ces vendeurs de fruits et légumes qui occupaient le grenier au centre-ville de Bujumbura. L'actualité internationale reste marquée par la fête nationale en France et Donald Trump est aux côtés d'Emmanuel Macron sur les Champs-Élysées pour le défilé militaire du 14 juillet ce vendredi. Donald Trump a rappelé jeudi en conférence de presse que c'est en 1917, à l'entrée dans la Première Guerre mondiale, des États-Unis aux côtés de la Triple Alliance et donc de la France, que se scelle réellement une relation militaire forte entre les deux pays, une relation qui perdure donc depuis 100 ans. Cette fête du 14 juillet est une expression singulière de l'imaginaire français, révolutionnaire, républicain, militaire, patriotique, populaire, festif, universel. Le 14 juillet, c'est un mélange de tout cela. Un peu plus encore, une date qui n'est devenue la fête nationale française de façon pérenne qu'en 1880, presque un siècle après l'événement qu'elle est censée commémorer au départ, à savoir la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Comme chacun le sait, c'est ce jour-là, un mardi, que les émeutiers parisiens se sont emparés de l'édifice, une prison qui servait alors essentiellement de garnison militaire. Il n'y avait plus que sept prisonniers incarcérés entre ses murs. Une forteresse qui incarnait alors l'oppression, d'autant plus que son gouverneur, Launay, décapité le même jour, avait eu la mauvaise inspiration d'ordonner à ses hommes de tirer sur la foule cet après-midi-là. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Toussaint Mitewotsi pour la mise en onde. Micro Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi.